الدعوة السلفية الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. Cours numéro 13. وضع اليدين وكيفيته ومحل وضعهما. La manière de rabattre ses mains pendant la salat. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a tharahum wa ktafa. Amma ba'd. Inch'Allah. Donc on va commencer, inch'Allah, la révision qui avait tourné autour de At-Takbir. Donc, At-Takbir, on avait dit que le Takbir, c'était une chose qu'il fallait, c'était un terme qui avait un sens, qui a pour but, lorsque le Musalli, il ouvre sa prière, de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. On avait dit la grandeur d'Allah Azza wa Jal, elle se proclame en lui affirmant les noms qui s'est affirmé, en lui exemptant des sifat et des attributs, des sifat et des noms kadhalika qui ne s'est pas attribué, de prendre la défense du prophète sallam, de prendre la défense de son kitab, d'honorer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et celui qui Naham vénère et immensifie les choses qui sont légiférées dans l'islam, ça fait partie de la piété du cœur. Donc, At-Takbir, c'est de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal parmi ces choses-là qu'on a pu citer. Et ce qui est spécifique au Musalli, c'est qu'il dise, qu'il proclame et qu'il prononce la formule Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est grand. On avait pu voir kadhalika que Allahu Akbar, c'est-à-dire cette formule-là, il faut qu'il soit observé le terme et le sens. Qu'en est-il à la personne qui, si jamais la prononce, il change le sens que comporte cette formule-là. Quel est le jugement de sa prière? La prière est annulée. Comme on a pu le voir, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa prière est annulée. Comme on a pu le voir, yani at-takbir, ça fait partie des choses qui font qu'annule la prière si jamais la personne elle ne le fait pas, ou plutôt yani si jamais elle n'observe pas le sens, c'est-à-dire comme on a pu le voir, si elle prolonge. Est-il possible à la personne qui n'est pas arabe de prononcer le sens de Allahu Akbar dans sa langue? Non, kadhalika. Pourquoi? Parce que comme on a pu le voir, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يفتتح صلاته بالتكبير بقوله الله اكبر. Donc ceci nous prouve, comme l'a dit le ulama, en plus c'est un sens, ou plutôt c'est une formule qui est simple à dire. Il n'y a aucune difficulté au niveau de la prononciation, que ce soit la personne arabe qui est, ou bien la personne qui est non arabe. Aucune difficulté à prononcer cette formule. Donc elle est à la portée de tout le monde. Et la personne qui ne peut pas parler, qui est muet, qu'est-ce qui lui est demandé de faire à cette personne-là? Certains des ulama disent que tu dois, la personne qui ne peut pas parler a remué sa langue. Il dit le fait de remuer, ça va remplacer le fait qu'il ne prononce pas. Qu'est-ce qu'il en est de ce jugement? Non. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche pas un homme au-dessus de sa capacité. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sur sa capacité. Idha amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu. On leur répond aux personnes qui disent ça, qu'à la personne qui n'a pas la capacité de se tenir debout, est-ce pour autant qu'on lui demande de gigoter? Non. S'il n'a pas la capacité de se tenir debout, non, il s'assoit. Kazalika, celui-là qui n'a pas l'intention, la capacité plutôt, de pouvoir prononcer, on lui dit, là, il ne cherche pas sa personne, son âme, d'une chose qui n'a pas la capacité, ou plutôt, qui n'a pas de sens. Car remuer la langue, en aucun cas, c'est une chose qui peut remplacer le fait que tu prononces. La gestuelle, elle serait plus amenée. Parce que par le geste, on peut comprendre. Mais la personne qui remet la langue, c'est une chose qui est incompréhensible. Comme c'est le cas pour ceux qui sont muets, ils remuent les mains, avec les mains, on les comprend. Donc, on leur dit, si jamais vous aurez dit, il remue ses mains pour nous faire comprendre qu'il veut dire Allahu Akbar, ça aurait été mieux que vous dites qu'il remue sa langue. Mais dans les deux, c'est aucunement possible de faire ça. Donc, ils se contentent d'attentionner. On a vu son miyakul, innam al-a'malu bin niyat. Les œuvres sont en fonction de leur intention. Takbir. Connaissez-vous une autre appellation à cette formule? On peut l'appeler takbir, comme c'est le cas là. Et on peut l'appeler kazalika, comment? Rappelez-vous de la deuxième formulation, la formule. Takbiratul ihram, ahsantum. Naam. Qui peut nous rappeler pourquoi? Ou bien plutôt, awalan, qu'est-ce que ça veut dire cela? Takbiratul ihram. Et pourquoi? Et on lui a donné, il lui a été donné cette appellation. Non, parce que comme on l'avait dit, c'est une ihram. Yani, c'est en gros, il se met en état de consécration, comme ils disent, rituel. C'est-à-dire qu'il se met en état, il s'auto-proclame à lui-même de s'interdire des choses pendant la prière qu'ils étaient licites avant la prière. Comme c'est le cas, comme vous avez pu mettre comme exemple, le fait de rire. Quel est le hadith qui prouve que tu n'as pas le droit de rire pendant la prière? Rappelez-vous du hadith, ou bien du athar, ou bien de la preuve. Si vous vous rappelez, on avait ramené un consensus des ulama, apporté par Ibn Manzir, qui dit que les ulama sont tous unanimes que la personne qui rigole pendant sa prière sera annulée. Et ils ont pris pour cela le athar de Jabir ibn Abdillah qui dit « Man dhahaka fi s-salah falyu'idha » Celui qui rigole dans la prière, qui la recommence. Et on avait dit qu'à l'écart, puisque le fait de rire, le fait de rigoler, c'est ça va en contradiction, au contraire de la valeur qui doit être observée dans la salat, qui est le repliement. Se replier, y en est, être en comment ça s'appelle, en mode y en est, d'humilité devant Allah Azza wa Jal. Le fait de rire, ça contredit totalement cela. Qu'en est-il quant au fait de sourire? Celui qui sourit pendant la salat, est-ce que son jugement est tel que celui qui rigole? La prière est valable. Mais c'est makruh de faire ça, c'est détestable. Kazalika, naam. Parce que cela, c'est détestable, hatta. C'est manhi an, parce que ça va à l'encontre, t'es en train de te replier devant Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui te barakallahu fikum? Qu'est-ce qui va te pousser à sourire? Alors que t'es en train de te replier devant Allah Azza wa Jalla. Il t'est demandé de méditer sur les versets, il t'est demandé de revenir sur tes péchés. Donc la personne elle doit plus, son tranchant, il doit plus être vers le fait de pleurer par rapport à ses erreurs que de sourire. Ce qui revient à Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui demande, il lui pardonne ses péchés. Donc le fait de sourire, ça va un peu à l'encontre de ces valeurs-là. Mais ça n'est pas la prière parce qu'on n'a aucune preuve qui nous prouve cela. Quoi encore? Quel est le jugement du takbir? C'est un pilier. Non. C'est comment on a pu déduire ça? Si vous vous rappelez, déjà premièrement, débute par le takbir. Donc la prière elle commence par le takbir. Donc ça veut dire que ça fait partie intégrante de la prière. Il manque le deuxième élément pour pouvoir juger que le takbir c'est un rukn. C'est-à-dire, s'il n'est pas fait, la prière est invalide. Quel est le dalil nous prouvant cela? Que si jamais il est délaissé, la prière est invalide. Vous rappelez-vous du dalil? On avait évoqué Hadith al-Musi Salati. Celui qui ne savait pas prier. Celui qui avait du mal à prier. Il a été évoqué dans le Hadith qu'un Nabi Sassam a dit: Fastaqbil al-Qibla, thumma kabbir. Il dit donc prends le, la direction de la Qibla, ensuite fais le takbir. Donc le fait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait dit, les ulama sont tous unanimes, comme l'a dit Ibn Rajab, que les paragraphes qui sont cités dans ce hadith et qui sont énoncés, ce sont tous des piliers. Si jamais il est délaissé, donc la prière elle est invalide. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré les choses par lesquelles la prière s'accomplit. Donc toute chose qui est délaissée parmi les énoncés qui sont évoqués dans le paragraphe de ce hadith-là, font de la prière de celui qui ne les aura pas amenés qu'elle sera invalide. Donc ça c'est le dalil qui nous prouve que celui qui le délaisse, depuis le takbir, sa prière sera annulée. Quel est le jugement quant au fait d'élever la voix pendant le takbir? C'est permis qu'à l'imam. C'est makruh. Makruh, excepté pour l'imam. Que l'imam, il faut qu'il fasse sa voix haute. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit, pourquoi l'imam doit élever la voix? Pourquoi l'imam doit élever la voix? Pourquoi c'est une exception qui est faite pour lui et pour les autres? Car il doit être suivi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons placé l'imam pour qu'il soit suivi. Donc toute chose qui ne peut s'accomplir que par ce biais-là, toute chose qui mène à une obligation devient, obligatoire. Donc le fait d'être qu'il soit suivi l'imam, c'est une obligation. Donc toute chose qui amène à cette obligation devient obligatoire. Et on avait dit qu'Azaleka c'est le même cas pour la personne ou l'imam si jamais il n'a pas la capacité d'élever la voix pour raison de maladie ou autre. C'est-à-dire que celui qui est derrière lui, il ne sait pas forcément le mu'adhin comme on avait dit. Il transmet. Il transmet le takbir de l'imam. Et quant à celui qui n'est pas qui est présidé, ou celui qui prie individuellement, il doit le faire discrètement. Quel est le dalil par rapport à cela? Que celui qui est présidé, il élève pas la voix pour le takbir. Si vous vous rappelez, on avait ramené la ayah dans laquelle il est dit Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Non. Je t'ai précédé. Donc invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrétion. Donc le asl, il y a un effet de dua, c'est que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par discrétion. À part s'il y a un dalil qui prouve le contraire, comme c'est le cas dans le hajj avec la talbiya, le fait de dire Allahumma labbaik tamam ila akhirih. À quel moment est-il demandé à celui qui est présidé de dire Allahu Akbar? Lui est-il permis de précéder l'imam, de dire en même temps que l'imam, ou bien qu'il doit le dire après l'imam? Après l'imam. Après l'imam. Quelle est la preuve de cela? L'imam doit être suivi. L'imam il doit être suivi. Inama ju'ala al-imam yutamma bi. Fa idha kabbara fa kabbiru. S'il a dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Quel est le jugement de lever les mains pendant la prière ou pendant le, avec le takbir? Quel est le jugement de cela? Une sunnah. Car il n'y a aucun dalil qui nous prouve. C'est une sunnah mu'akkada qui ne convient pas d'être délaissée. Qui ne convient pas d'être délaissée. Mu'akkada. Car on a vu, on n'a aucune preuve qui nous prouve qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné cela. Ou qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Donc tout ce qu'il fait, il l'a déjà fait. Tout ce que fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il fasse une chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas forcément de cet acte d'adoration que ça devient une obligation. Comme c'est le cas pour Sunnat al-Fajr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a certes fait Sunnat al-Fajr. Il a déjà fait le siwak. Wa kathira, yani min al-ibadat. Le simple fait qu'il fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme ils disent les ulama al-usul, tu peux déduire de cela, yani que c'est quoi? C'est une sunnah. À partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve le contraire. Au contraire, si jamais il leur donne une chose, yani la base, lorsqu'il leur donne une chose à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une obligation, à part si jamais il y a un dalil qui prouve ou bien qui dévie l'obligation vers le jugement de la recommandation. Mais tout ce qu'il fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est ma'ruf, yani fi kutub al-usul, yani usul al-fiqh, ou le fondement de la jurisprudence, tu peux déduire c'est une sunnah. À partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve que c'est un ordre, que c'est obligé, je veux dire. Ensuite, si jamais c'est quelque chose qu'il faisait de temps en temps, ça reste une sunna. Si jamais c'est une chose qui n'est jamais délaissée, ça s'appelle une sunna mu'akkada. C'est-à-dire qu'elle ne convient pas d'être vraiment délaissée. C'est vraiment détestable à la personne. Il a certes délaissé un esprit qui est beaucoup bien meilleur pour lui. Donc, Raf al-Yadayn, à quel moment il lui légiférait de lever la main? À trois moments. Avant, pendant, et après. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكل ذلك ثابت في السنة. Et toutes ces manières de faire sont authentiques et sont venues de la sunna. تمام. حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر au moment où il faisait le takbir. والحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكبر ثم يرفع يديه يعني c'est après. تمام. Et le troisième hadith qui est avant يعني كان يرفع يديه ثم يكبر العكس. Et كل ذلك c'est une sunna. تمام. Le fait qu'il n'y a pas une manière de faire qui est obligée, il fait une des trois manières et Inch'Allah, il aura fait la sunnah. Qu'en est-il quant à la manière de positionner les doigts? Y a-t-il une sunnah, une manière bien particulière de faire cela? Non. Les doigts tendus. Les hadiths, c'est-à-dire en tendant les doigts. Qu'est-ce qu'on entend par là lorsqu'on dit tendre les doigts? C'est-à-dire qu'ils soient droit et tendu. Tamam. Droit et tendu. Parce qu'ils peuvent être tendus, mais si jamais, مثلا, tu les écartes. Ils peuvent être tendus, et le fait d'écarter, tu peux tout aussi écarter tes doigts tout en les laissant tendus. Lakin, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est qu'ils soient droit, c'est-à-dire tendu comme un bâton, tamam, et qu'ils soient tendu. Donc, ça, c'est une sunna kadelka. Celui qui prie en renfermant un petit peu ses mains comme ça, tamam, comme si jamais s'accrochait à une barre, sa prière elle est valable. Il a délaissé la sunna. Et quant au fait de lever les mains, quelle est la hauteur, à la hauteur qui doit être observée afin de, d'être conforme à la sunna? Naam. Au niveau des épaules ou des oreilles? Jusqu'aux épaules, c'est-à-dire le bout des doigts, il ne dépasse pas les épaules. Et l'autre qui est fier, c'est notre manière de faire, c'est que le bout des doigts ne dépasse pas le haut des oreilles. Qu'en est-il aux personnes qui touchent le lobe des oreilles lorsqu'ils font takbir? Ça, c'est les personnes qui souffrent de waswasa. Il veut s'affirmer à lui-même qu'il a fait le takbir. Pour ça qu'il se touche les oreilles. Ou certains, ils suivent comme ça, vraiment. Ils ont vu leur père faire et ils ont fait. Et kaza les cas, j'avais oublié d'ajouter un truc, c'est certains, ils ont dit, quant au fait de lever les mains, la hauteur, certains ils ont dit, Yannick, comme on a pu le voir, c'est il y a deux hauteurs, c'est-à-dire soit au niveau des épaules, soit au niveau du haut des oreilles. Certains ils ont dit, comme c'est le cas d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, ils disent, au fait, la kifi, elle est wahida. Ceux qui nous ont dit que c'est au niveau des épaules, et ceux qui nous ont dit que c'est au niveau des oreilles, ça veut dire que ta main est entre les épaules et les oreilles. On veut dire qu'ils voulaient dire que la paume de la main, elle est au niveau des épaules, le bas de la main, c'est-à-dire le début du poignet, est au niveau des épaules, et le bout des doigts, il était au niveau des oreilles. Certains disent qu'il n'y a pas deux kayfiyah, pas deux manières de faire, mais une manière de faire dans laquelle Yannis a été détaillé. Ensuite, les jeunes ont compris qu'il y avait deux manières de faire. Et il dit en vérité, il n'y a qu'une manière de faire, c'est d'élever la main entre les épaules et entre les oreilles. Ça, c'est un avis, la basbihi. Ce que tu peux comprendre, Yannis, c'est une compréhension qui est possible par rapport au texte. Mais le mieux, c'est de s'en tenir au texte comme ils ont été détaillés, c'est-à-dire qu'il le levait au niveau, parce qu'il disait « il a même kibé ». Donc tu ne peux pas utiliser « il a » pour une chose qui débute. Parce que comme vous allez voir, Inch'Allah, ou peut-être que vous avez pu le voir dans les livres d'arabe, c'est-à-dire les livres qui tournent autour de la grammaire, « il a », c'est un « harf » qui limite la fin d'une chose. Donc si jamais eux, ils disent « yani », parce qu'il y a un hadith qui dit « il est venu, Nabi Sassam, il a levé la main, il a man kibé ». Jusqu'à ses épaules. Et ils nous disent que eux, c'est à partir du moment où le bout de ton le poignet, il commence. C'est pas possible. Si jamais ça aurait été, il commence, il leur dit Namus Asala, min al-mankibay, c'est-à-dire à partir des épaules jusqu'aux oreilles. Donc les textes, Wallahu A'lam, ils sont plus du penchant vers ceux qui l'ont dit, qu'il y a deux manières de faire et non une. Wallahu A'lam, il y en a à travers la langue arabe, tu peux voir qu'en vérité, Wallahu A'lam, il y a deux manières de faire. والله تبارك وتعالى أعلم تمام إن شاء الله فنبدأ وندخل إن شاء الله في الدرس الجديد قال رحمه الله تعالى وضع اليدين وكيفيته donc quel est le jugement quant au fait de poser les mains pendant la prière où elle doit être posée comment elle doit être posée et la manière de faire وكيفيته قال رحمه الله تعالى قال ثم يضع يداه اليمنى على اليسرى عقب التكبير. Il nous dit ensuite, c'est-à-dire après qu'il a fait le takbir, qu'est-ce qu'il lui demandait de faire après qu'il a fait takbir et qu'il a levé la main? Il lui demandait de rabattre sa main, comme il dit, ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير. De rabattre sa main ou ses mains Tamam, après qu'il ait fait le takbir, en mettant sa main droite sur sa main gauche, après qu'il ait fait le takbir, aqib al-takbir. قال وهو من سنن الانبياء عليهم الصلاه والسلام. Il nous dit, cela fait partie des sunnah des anbiya, des prophètes. عليهم الصلاه والسلام. وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فلا يجوز اسدالهما. Il nous dit, النبي صلى الله عليه وسلم, il a certes ordonné à ses compagnons de faire cela. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, qu'il ne convient pas, ou plutôt qu'il n'est pas permis de prier, yani, comme il dit ça, les bras ballants, c'est-à-dire en laissant les bras pendus vers le bas. Tamam. Dans ce paragraphe, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a mentionné yani, plusieurs jugements. Donc le premier jugement, yani, comment yani, poser les mains après at-takbir. Après que tu aies fait takbir et que tu aies levé les mains, tes mains doivent être posées à un endroit bien précis. Et Katalika, il nous a évoqué le jugement de cette posture, c'est-à-dire de rabattre ses mains pendant la prière. Quel est le jugement? Donc la majorité des savants voient que rabattre les mains, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche, c'est une sunnah. Et comme il a pu l'évoquer Cheikh Al-Albani, c'est une sunnah qui est connue chez l'anbiya. Qui est connue chez l'anbiya. Comme a dit Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Inna min akhlaq l'anbiya » Il fait partie des nobles caractères de poser sa main droite sur sa main gauche pendant la prière. Ça fait partie des nobles caractères des prophètes. Comme nous a dit Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, al-Athar, il a été authentifié par Cheikhuna Muhammad ibn Hizam, hafizahullahu ta'ala. Donc, comme certains des savants, même plutôt la majorité, ils voient que ceci est une sunnah. Ceci est une sunnah. Mais lorsque tu te penches vers les textes qui sont relatifs au fait de rabattre ses mains pendant la prière, tu vois qu'ils ont plus un penchant à indiquer que ceci est une obligation. Comme cela est apporté par Hadith Sahl ibn Sa'd, عند l'imam al-Bukhari, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala kana al-nas yu'maruna an yada' al-rajul yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Donc de ce hadith authentique rapporté par Muslim selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, nous informe que il a été ordonné aux hommes de poser leur main droite sur leur main plutôt l'avant-bras gauche pendant la prière. Donc observez comme il a été employé le terme ici, il a été ordonné. Et comme on a pu le voir, l'ordre dans l'islam, il indique, si rien ne prouve le contraire, que c'est une obligation. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne une chose, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne une chose, cet ordre-là, il indique une obligation. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde les personnes qui se contredisent à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani de peur qu'il leur arrive une fitna ou un châtiment avédissant. Donc, de cette ayah-là, les savants, ils ont déduit que tout ordre dans l'islam, à partir du moment qu'il ne prouve pas le contraire, c'est une obligation. Car celui qui en découle, quant au fait de le délaisser, comme l'est évoqué dans l'ayah, que la personne elle est exposée à un châtiment avilissant et à une grande fitna. « An tusibahum fitnatun, aw yusibahum azabun alim. » Donc jusqu'ici, l'avis, il ne peut pas pencher vers ceux qui ont dit que c'est une sunnah. Car dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari, il a été dit qu'un nas yu'marun. Donc il a été ordonné aux gens, aux prières, de poser la main droite sur l'avant-bras gauche pendant la prière. La majorité des savants, ils ont dit, bien au contraire, on est d'accord avec vous pour dire que la base dans l'ordre, c'est une obligation. Mais nous avons avec nous une preuve qui prouve que, ou qui dévie l'obligation, c'est même le jugement de l'obligation vers la recommandation. Et ils ont pris pour cela le athar de Abdullah ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, pour dévier l'obligation vers la recommandation. Dans ce athar-là, il est évoqué que Zayd, ou plutôt que Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhuma, il avait pour habitude de prier les bras ballants, les bras tendus, c'est-à-dire qu'il ne rabattait pas ses mains sur lui-même pendant la prière. Et nous disent, le fait qu'il a fait ça à ce sahabi, il dit, ça c'est clair et net, et on n'a aucun doute qu'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils disent que toute ibada, elle est au kifiya, c'est-à-dire que toute ibada, elle est limitée, yani tout acte dans la prière, dans l'adoration, elle est limitée au kitab, à la sunna. Donc ils nous disent, ils veulent nous faire comprendre par cela que si jamais Abdullah ibn Zayd, ce compagnon-là, a fait cet acte-là, c'est qu'il a une preuve de la kitab ou la sunna, ou alors il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, c'est pour ça qu'il l'a fait. Tamam. Donc il nous dit, le fait qu'il l'a fait, ceci nous prouve que cet acte-là, il en découle d'un texte parmi la kitab ou la sunna. Lakin, cette ta'ida-là, ce n'est pas une ta'ida qui est sahiha. Le fait de prendre l'acte du sahabi et d'en faire une hudja, ou bien une chose qui va dévier un argument ou une preuve, ce n'est pas possible. Parce qu'on a kadalika, un exemple qui va contredire cette qaïda. Prenons l'exemple d'Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui avait pour l'habitude, ou qui lui arrivait souvent, à certains moments, de faire le wudu de manière que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Mais cela, par un effort d'interprétation par rapport au hadith, « Inna ummati ya'ti yawm al-qiyam muhajjalin min athar al-wudu » ma communauté va venir yawm al-qiyam avec les traces du wudu. C'est-à-dire, au moment, à la limite où s'arrêtera l'eau, les membres vont briller. Et Abu Huraira, il a fait un effort d'interprétation par rapport à ce hadith. Il s'est dit, vu que les membres vont briller, autant que nos membres entiers brillent. C'est-à-dire qu'il faisait le wudu au niveau des membres, c'est-à-dire au niveau des bras, jusqu'à peut-être les épaules. Et ça, ce n'est pas une chose qui a été authentifiée et faite par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kazalika, au niveau des jambes, il est monté jusqu'aux genoux. Kazalika, c'est une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et au niveau du visage, il dépassait. Donc toutes ces choses-là qu'a fait Abu Huraira, peut-on dire que c'est une chose qu'il a pris qui en découle d'un guide du kitab ou à sunna? Non, c'est un effort d'interprétation. Donc un sahabi, en lui-même, ce n'est pas une hudja, il peut faire un effort d'interprétation. Donc qui nous dit que cette chose-là qui a été faite par Abdullah ibn Zayd, c'est-à-dire qu'il a pris le bras ballant, qui nous dit que ceci n'est pas, kazalika, un effort d'interprétation qu'il a fait à lui-même, qui voyait peut-être que c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Donc cette qaïda-là, elle n'est pas sahiha. Elle n'est pas sahiha de prendre l'acte d'un sahabi pour dévier un jugement vers un autre. Donc, étant donné qu'on n'a aucune preuve qui nous prouve le contraire de l'obligation, on doit laisser le texte tel quel. C'est-à-dire, le hadith qu'on a pu voir précédemment, de Sa'd ibn Sa'd, qui est rapporté par le Bukhari, on le laisse tel quel. Dans lequel, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné que les Moussalli, il aurait été ordonné qu'ils prient en rabattant leurs mains sur eux-mêmes. Donc, le jugement quant au fait de rabattre sa main droite sur la main gauche, quand même, c'est une obligation. C'est une obligation. Et ça, c'est l'avis de l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, comme on pouvait le voir dans le texte, il dit فَلَا يَجُوز تَمَمْ إِزْدَالُهُمَا. Et ça, c'est une chose qui s'applique à une chose qui est interdite. يعني لا يجوز, c'est interdit. Donc, son opposé, c'est quoi? يعني c'est une obligation. Et كذلك, c'est l'avis de l'imam Al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Donc, le jugement de rabattre la main, ses mains, pendant la prière, c'est une chose qui est obligatoire par rapport au hadith qui nous prouve cela. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tamam. Non. Mais quoi qu'il en soit, tamam, que ce soit pour les personnes qui ont dit que ce soit une bid'ah, que ce soit une recommandation ou bien une obligation, ils n'accompagnent pas de délaisser cette chose-là. Ils n'accompagnent pas de délaisser ces choses-là, car comme j'ai évoqué au début du cours, comme c'est, nous l'a fait part cet éminent sahabi qui est Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, qui nous dit qu'il fait partie des nobles caractères des prophètes de poser la main droite sur sa main gauche pendant la prière. Donc, Inch'Allah, nous, il faut qu'on s'identifie au prophète et de ne pas délaisser cette sunnah, même si jamais on penche vers l'avis que c'est une recommandation. La recommandation, elle n'a pas été légiférée pour être délaissée, mais pour être faite. قال رحمه الله تعالى قال ويدع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى رسخ والسعيد. Et là il nous évoque la manière de poser les mains. Tamam, on sait que maintenant c'est une obligation. Maintenant, comment s'accomplit la manière de la faire? Pour cela, Al-Musalli, il a trois manières de faire. Cheikh Al-Albani, رحمه الله تعالى, il a évoqué dans ce petit épître deux manières de faire. Inch'Allah, on va rajouter la troisième manière de faire. Donc la première manière de faire qu'il nous a évoquée là, c'est de poser la main. يَدَعَ الْيُمْنَ نَعَمْ عَلَى الظَّهَرِ كَفِّهِ الْيُسَرَى. C'est qu'il pose sa main droite sur sa main gauche. C'est-à-dire, sa main gauche, la main là qui évolue, c'est entre le poignet et le bout des doigts. Entre le poignet et l'extrémité du majeur. Ce n'est pas le niveau de la paume, c'est le niveau contraire de la paume. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique en français. À la kulihal, le sens, le côté opposé de la paume. Tamam. Entre l'extrémité du majeur jusqu'au poignet. Tamam. Et il nous dit, donc ça c'est une kayfiya. Yada al-yumna ala wahr al-kaffihi al-yusra wa rusri wa sa'i. C'est-à-dire, il fait pour cela, il pose sa main droite, tout en touchant, il y en a comme j'ai dit, le côté opposé de la paume. De la main, tamam. Avec kadalika, le poignet et une partie de l'avant-bras. Donc, sa main droite touche trois parties de sa main. Car la main, dans l'arabe, c'est tout ce qui va de barzofikum, na'amarbofum, ça peut être de l'extrémité du majeur jusqu'à l'épaule, ou bien jusqu'à, comment ça s'appelle, na'amarbofikum, comment on dit ça, le coude. Et lorsqu'il dit la main, ça peut englober plusieurs choses. Mais là, qu'est-ce qui évolue, là, dans la main, c'est de poser sa main droite sur le côté opposé de la paume, le poignet et l'avant-bras. Donc sa main à touche, droite, sa main droite à touche, trois choses. Et regardez comme il a été dit, wayada al-yumna. C'est-à-dire dans cette kayfiyya-là, dans cette manière de faire, la sunna, c'est de poser ta main. Lorsque tu veux, ta main droite doit toucher ces trois parties de ta main. Le truc qui était demandé, la chose qui était demandée, c'est que tu la poses ta main. Et non que tu attrapes ton poignet, que tu l'attrapes. Là, tu dois poser ta main lorsque tu veux toucher les trois parties de ta main, c'est-à-dire, comme on a dit, le poignet, le côté opposé de la paume et l'avant-bras. Parce qu'il a dit, yada. Wal hadith, alladhi yadul ala zalika hadith wa il ibn Hujr. Qala summa, yani an Nabi sallam, qala summa wada'a yadahu al-yumna ala kiffi al-yusra wa rusr wa sa'id, rawahu an-Nasa'i wa sa'a hadith authentique. Naam, c'est un hadith qui est authentique. Donc ce hadith qui est rapporté par Nasa'i, selon Wa'il ibn Hujr, qui nous dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite sur le côté opposé de la paume, son poignet et une partie de l'avant-bras. Tamam, donc posé. Tamam, yada. Ce qui l'attrape, on ne va pas dire sa prière l'a annulée, car toutes ces choses-là qu'on va voir, ces trois manières de faire là, c'est une sunnah. La sunna qui est à observer, c'est pas d'attraper sa main lorsque tu touches ces trois éléments de ta main, mais c'est de la poser. Il y en a le mission qu'a la summa yada. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, ça c'est une chose à bien observer. Parce qu'il dit, il y a une farq entre wada'a wa qabida. Il y a un farq, il y en a fait le ra, lorsque tu dis wada'a, c'est-à-dire poser, et qabida, c'est attraper. Lorsque tu dis wada'a, c'est le fait de le poser. La deuxième kayfiyya, comme il a rapporté ensuite, il dit, wa taratan yaqbidu bil yumna ala al-yusra. Donc la deuxième kayfiyya, c'est qu'il attrape par sa main droite sa main gauche. Et le hadith qui nous prouve cela, hadith kadhalika Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu, qala ra'aytu wa rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam idha kana qa'iman fi s-salah qabida yaminuhu ala shimalihi, rawahu Muslim. Et c'est un hadith kadhalika qui est authentique. Donc de ce hadith qui est authentifié, qui est rapporté par An-Nasa'i selon Wa'il ibn Hujr, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il était debout pour prier, attraper sa main droite, attraper sa main gauche avec sa main droite, attraper sa main gauche avec sa main droite. Cheikhuna Mohamed Ibn Hizam, tamam, il nous dit dans ce paragraphe-là, dans ce hadith, il a été évoqué la main. Tamam, il n'a pas été évoqué précisément quelle partie de la main? Est-ce que c'est le poignet? Est-ce que c'est le naam? L'avant-bras? Est-ce que c'est la partie opposée de la paume? Il n'a pas été évoqué quelle partie de la main. Il dit tant que le amr il est hakada, c'est-à-dire que tant que il n'y a pas de hadith qui précise bien cela, il dit il est possible qu'il attrape les trois parties qui sont légiférées de poser la main dessus. C'est-à-dire, s'il veut, naam, il attrape son avant-bras. Et à savoir que l'avant-bras, tamam, As-sa'id, barakallahu fikoum, c'est à partir du poignet jusqu'au coude. Donc on peut voir l'erreur que font certains frères, quand même, dans leur prière, tu les vois jusqu'à même, yani leur main dépasse le coude. Le coude, yani c'est le début du coude. Le début du coude où il commence, ta main doit s'arrêter, elle ne doit pas dépasser. Certains frères, tu les vois, ils dépassent jusqu'à prendre le coude avec. Même, ça c'est, yani c'est pas minasunna. Tu dois t'arrêter. Même, tu dois t'arrêter avant le coude. Parce que si jamais tu dépasses, là, tu as dépassé le coude, tu as pris le coude avec. Tu dois t'arrêter au coude. Et certains, je le vois même, ils dépassent jusqu'à prendre une partie des triceps. Et ça, c'est une chose, même si ça n'aime pas la prière, mais c'est une chose que Nabi Sassam ne l'a pas fait. Donc, à l'al-Muslim qui se contente de faire ce que Nabi Sassam l'a fait, il y en a en le faisant bien comme il faut. C'est-à-dire que là, s'il veut, il a la possibilité d'attraper son avant-bras. S'il veut, il attrape son poignet. Ou s'il veut, il attrape sa main. C'est-à-dire, comme on dit, le côté opposé de la paume. Comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibn Hazm, parce que là, il n'y a aucun hadith ou aucune chose qui précise qu'est-ce qui est voulu par la main. Parce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il nous dit, comme on a pu voir dans le hadith, il dit, Naam, wa yaqbad yaminuhu ala shimali. Donc le shimal, c'est rare. Ça peut être le poignet, ça peut être le coude, et la khadi. Ça peut dire, je veux dire, l'avant-bras. Donc, Inch'Allah, tu peux faire les trois choses-là. Tu peux faire ces trois choses-là, attraper les trois parties qu'ils ont été légiférées de poser la main dessus. Comme nous a dit Cheikhona Mohamed Ibn Hazm, hafidhahullah ta'ala. Et la troisième kayfiyya qui n'a pas été rapportée par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est de poser sa main droite sur l'avant-bras gauche, c'est-à-dire juste de poser. Donc l'avant-bras, tu peux, si tu veux, le poser, poser ta main dessus, ou bien l'attraper comme on l'a pu le voir avec le hadith yani précédent. Et la preuve de ceci, c'est hadith kazalik na Sahl ibn Sa'd adhi 'inda al-Bukhari, ce qu'on a pu voir avant, kana an-nas yu'marun an yada' ar-rajul yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala dhira'ihi al-yusra fi salah. Donc dans ce hadith, il nous est dit, il a été ordonné aux gens pendant la prière de poser leur main droite sur leur avant-bras gauche, de poser la main droite sur l'avant-bras gauche. Donc ça, c'est une kayfiyya kadhalika qui est possible de faire. Donc on récapitule ces trois manières de faire quant au fait de poser la main. Il y en a poser la main sur la main droite sur la main gauche. Jugement qui est le fait de poser, c'est obligatoire. Maintenant, la manière de faire, elle est recommandée. Ce n'est pas une obligation. La première kayfiyya, c'est que tu poses ta main droite, et tu fais, par cela, Yannick, elle va toucher trois parties de ta main. Le côté opposé de ta paume, le poignet, marfoufikoum, et une partie de l'avant-bras. Et cette kayfiyya-là, cette manière de faire, elle demande que la main soit posée. Ta main doit être posée et non, tu dois attraper les trois parties. Car ceci n'a pas été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa khayru hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète alayhi wa sallam. La deuxième kayfiyya, c'est de attraper par ta main droite, ta main gauche. Et comme on a pu le voir, à travers la fatwa de notre cheikh Mohamed Ibn Hazm, tu as la possibilité pour cela d'attraper ton avant-bras. Donc je dis bien attraper, c'est pas poser, quand même. Attraper ton avant-bras, attraper ton poignet, ou bien attraper la partie opposée, ou bien le côté opposé de la paume. Tamam? Le côté opposé de la paume. Et la troisième kayfiyya, comme on a pu le voir, c'est la dernière, c'est de poser ta main sur l'avant-bras. De poser la main sur l'avant-bras. Tamam? Donc, ces trois kayfiyya-là, c'est une sunna. Et c'est bien que la personne, elle ne se limite pas à faire qu'une manière de faire. C'est-à-dire que de temps en temps, elle change. De temps en temps, elle change. Vu que le prophète, ou bien l'islam, il a légiféré trois manières de faire, c'est bien de varier de temps en temps et de ne pas rester sur une manière de faire. قال رحمه الله تعالى محال الوضع. Quel est l'endroit où ta main doit être posée, c'est-à-dire lorsque tu regroupes ta main. On a pu voir là la main droite sur la main gauche, comment elle doit être posée. Maintenant là il nous parle l'ensemble, l'ensemble de la main droite et la main gauche, où elle doit être posée sur la partie du corps, où elle doit être posée sur la partie du corps. قال ويدعهما على صدره فقط الرجل والمرأة في ذلك سواء. Et nous dit, quant à l'endroit où il doit poser ses deux mains, c'est sur sa poitrine. صدره فقط. Donc pas d'autre endroit que cela, selon l'avis de Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى. Il nous dit, la femme et l'homme, il n'y a pas de différence par rapport à cela. La femme est tout à fait elle fait comme l'homme, c'est-à-dire elle doit le poser selon l'avis de Cheikh Al-Albani sur barakallahu fikum, sur la poitrine. Sur la poitrine. Et il nous dit dans l'indication en bas, قلت ووضع ما على غير الصدر إما ضعيف إما لا أصل له. Et du compte aux autres parties du corps en dehors de la poitrine, si jamais il y a des hadiths qui sont venus qui nous indiquent cela, il nous dit soit ces hadiths sont ضعيف ou soit c'est des hadiths qui n'ont aucune origine, qui ne sont pas connus dans l'islam. Donc, selon l'avis de Cheikh Al-Albani, car cette mas'ala-là, ce sujet-là, c'est un sujet de divergence. Cheikh Al-Albani voit qu'il n'est pas permis de poser sa main, ses deux mains, dans un endroit autre que la poitrine. Certains autres ulama, il y a trois avis par rapport à cela. Il y en a qui disent que tu le poses sur ton nombril, ils disent que tu poses et la khidri. À la kulli hal, le hadith sur lequel s'appuie Cheikh Al-Albani, c'est un hadith yani, qui est barakou fikum, qui est contesté. Ce hadith-là, il a été contesté. Ce hadith a été rapporté par Na'am ibn Khuzaymah. Donc ce hadith, Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith sur lequel s'appuie Cheikh Al-Albani pour dire qu'il n'est pas permis à la personne yani, de poser sa main sur un endroit autre que sa poitrine. Hadith Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous dit قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى إني وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه j'ai prié avec le prophète صلى الله عليه وسلم et je l'ai vu poser فوضع يده اليمنى على يده اليسرى il a posé sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine ce hadith qui est rapporté par ابن خزيمة Dans la chaîne de transmission s'y trouve un rapporteur qui s'appelle Mu'ammal ibn Ismail. Mu'ammal ibn Ismail. Et ce rapporteur-là, il est qualifié des qualificatifs de Sayyil Hif. Il y a quelqu'un qui a une mauvaise mémorisation. Qui a une mauvaise mémorisation. Donc, comme c'est ma'aruf, Inch'Allah, ou comme vous avez pu le voir, ou comme peut-être que vous allez le voir, Inch'Allah, dans la science du hadith, Mustalah al-Hadith, dans le Mustalah, Celui qui est qualifié d'avoir une mauvaise mémorisation, il n'a pas rempli la condition pour qu'on puisse qualifier son hadith, barakallahu fikoum, qu'il est authentique. Parce que parmi les conditions du hadith, as-sahih, c'est que le rapporteur, il a une bonne mémorisation. Et cette personne-là, elle est qualifiée comme étant, ou comme ayant une mauvaise mémorisation. Sayyil hifz. Et rajouter à cela, qu'en plus de sa mauvaise mémorisation, il a contredit les autres rapporteurs qui disent Barzofikum, l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont ramené le hadith sans rajouter à la fin ala sadrihi, c'est-à-dire qu'ils ont ramené le hadith sallaytu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, bas, ils n'ont pas ramené ala sadrihi. J'ai vu le prier le prophète sallam en posant sa main droite sur sa main gauche. Et les personnes qui ont ramené ce hadith-là sans l'ajout sur la poitrine, ils sont au nombre yani, de 10. Et parmi eux, des imams. Et parmi eux, des imams, c'est-à-dire des gens qui sont qualifiés comme étant yani, d'une bonne mémorisation. Donc, yani, dans le Mustalah al-Hadith, lorsque la personne qui est da'if, il contredit les autres personnes tamam, qui ont des caractéristiques qui sont meilleures que lui, on appelle ça Hadith Munkar. C'est un Hadith qui est rejeté. Donc, ce Hadith-là, comme vous pouvez le voir, il est rejeté. Tamam. Il y a un autre Hadith qui est venu dans le même sens, c'est-à-dire que qui prouve que ou bien qui indique que la main doit être, que les mains doivent être posées sur la poitrine, et qu'à l'écart, il se trouve dans ce hadith-là une personne qui est majhoul, c'est-à-dire dont on ne connaît pas, ni si jamais c'est quelqu'un qui est connu pour avoir al-adl, c'est-à-dire une équité, yani kathura khayruhu wa qalla sharruhu, la personne qui est connue pour faire, qui est connue pour être obéissante, tamam. C'est-à-dire qu'on n'a ni ces caractéristiques-là, ni ces qualificatifs qui nous puissent, qui n'arme qu'on peut par cela juger de cette personne-là que son hadith est sahih. C'est-à-dire qu'on ne connaît ni son côté religieux et ni son côté au niveau de la mémorisation. Ces qualificatifs-là, ils sont inconnus. Majhoul, il est inconnu au niveau de son dîn et il est inconnu au niveau de sa mémorisation. Et kazalika, les deux conditions-là qui sont requises pour qu'on puisse authentifier son hadith, ils ne sont pas requises dans ce cas-là. Donc, ce hadith-là, kazalika, il n'est pas authentique, et en plus, yani, kazalika, il contredit d'autres hadiths qui prouvent ou bien qui indiquent qu'il n'est pas apporté cet ajout, c'est-à-dire sur la poitrine. Il reste un autre hadith qui est venu, ou plutôt c'est un athar, c'est d'un tabi'i qui a levé le hadith vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ma'ruf, le tabi'i, il n'y a aucun tabi'i qui a rencontré un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle un hadith mursel. C'est-à-dire que la chaîne de transmission, elle est incomplète. Entre lui et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un, ou bien peut-être deux personnes. Donc on ne connaît pas ces intermédiaires-là. C'est peut-être des personnes qui sont, comme on dit thiqa, c'est-à-dire qu'on peut qualifier le hadith comme sahih, ou des personnes qu'on peut qualifier le hadith de da'if. À la kulli hal, on ne connaît pas l'intermédiaire qui est entre lui et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là, comme c'est connu dans le mustalah hadith, on s'arrête sur le fait qu'on ne peut pas authentifier le hadith, car si jamais on authentifie une chose dont on ignore l'intermédiaire, Cela peut nous faire rentrer dans le hadith dans lequel le Messie sallallahu alayhi wa sallam menace la personne qui est morte sur lui. Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui forge sur moi des mensonges, qui se réserve une place en enfer. Donc, si jamais le cas est tel, c'est-à-dire on n'a aucun hadith qui nous prouve yani, l'endroit où doit être posé les mains. Le amr fi sahl, la personne yani, elle a le choix. Elle a le pot sur sa poitrine, elle a le pot sur son ventre. À la kulli hal, comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibn Hazm, à partir du moment qu'il a la possibilité de le mettre où il veut sur son corps, quand même, c'est-à-dire sur son corps, à partir du moment où ça ne rentre pas en contradiction aussi sur le fait de lever, de mettre sa main droite sur sa main gauche, quand même. Car maintenant, si jamais tu mets ta main yani, sous le nombril, c'est, il y a une petite difficulté à que les mains soient bien placées. Yani, que tous tes doigts, ta main entièrement, soient yani, placés sur, la main, sur ta main droite. Yani, à partir du moment où tu as posé ta main sur ton corps, et ça, c'est en conformité avec le hadith qui te dit de bien placer ta main droite sur ta main gauche, yani, tu as droit de faire ça. Tu as droit de faire ça, ta main. Donc ça, Inch'Allah, c'est par rapport au Dars. Donc ils ont fait l'azan chez nous. Et s'il y a des questions, Inch'Allah, on peut répondre rapidement. Ou sinon, Inch'Allah, on se contente de ce qu'on a pu évoquer. Donc comme j'ai dit, Inch'Allah, s'il y a des questions, levez la main. Comme ça, je sais s'il y a des questions ou pas. Sinon, on conclut sur cela. Ça va, Dars, Inch'Allah, il est compris pour tout le monde, Inch'Allah. Tamam. Tfaddal. Celui qui a levé la main, Inch'Allah. Serrez quoi, le bout des doigts? Pour poser sa main bien à plat, il faut donc serrer sa main gauche sur sa poitrine. Non, la main gauche doit être sur la poitrine, enfin sur la partie du corps. Tu peux la poser sur la poitrine, hein. Mais maintenant, après, c'est un hadith. Yani, c'est un Cheikh Al-Albani a fait un ijtihad, un effort d'interprétation par rapport au hadith. Et comme on a pu le voir, Inch'Allah, nous, Inch'Allah, tullab al-ilm, c'est-à-dire ceux qui avancent dans la science, yani, la science, parmi les valeurs de la science, ou parmi le bon côté de la science, c'est qu'à sort la personne du suivi aveugle vers la capacité de pouvoir comprendre la vie compris chacun des ulama. C'est-à-dire que là qu'on peut voir, Inch'Allah, le hujja, les arguments sont clairs et nets que le hadith, ils sont clairs et nets que le hadith, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Donc il y en a qui, le fait qu'il mette sur sa poitrine, qu'il le fasse, il met sur le ventre qu'il le fasse, mais à la kulli hal, il faut qu'elle soit posée sur son corps. Il faut que sa main gauche soit posée sur son corps pour qu'il puisse bien la... qu'il soit stable, pour qu'il soit bien posé. Partition numéro 8, vas-y, toi. Quel est le jugement de ceux qui prient alors les bras aux côtés sans opposer la main droite à la main gauche? Car en Centrafrique, ils prient comme ça. Non, attends, ici, il y a un Selbala. Les Shia'a ici, là, il n'y a aucune, ils font ni takbir, ils font rien du tout. C'est, on aurait dit en train d'attendre un bus, et Allah Alam, on n'arrive même pas qu'il est en train de prier. Ils font ni takbir, les mains sur le côté, masha'Allah. Et Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohamed Ibn Hazm nous dit, nous, il ne faut pas qu'on prenne en compte l'effort d'interprétation qu'ont fait certains, les tabiris, comme c'est le cas de Moussaïeb, et certains des sahaba, comme c'est le cas d'Abdullah ibn Zayd, c'est un effort d'interprétation, c'est une chose que Nabi Sassam ne l'a pas fait. Quand on jugement de faire cela, il dit, Cheikh Mohamed Ibn Hazm, celui qui fait ça, c'est-à-dire qu'il le fait ça, en ayant la conviction que c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, c'est une bid'ah. S'il a une conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, ou qu'il fait cet acte-là, c'est-à-dire il laisse les bras ballants, il pense que c'est une chose pour laquelle il se rapproche d'Allah azza wa jalla, ça c'est une chose, c'est une bid'ah, comme nous a dit Cheikh Mohamed Ibn Hazm. Mais ça n'annule pas la prière. Car c'est une obligation, yani, il est asim. Il est asim. Donc on pose, il y a la question qui m'a été posée la dernière, donc on pose ses mains sur son corps, il n'y a pas de preuve exacte sur l'endroit. Il n'y a pas de preuve exacte sur l'endroit, comme on a pu le voir. Le hadith qui est venu, il est munkar, c'est-à-dire qu'il contredit, c'est-à-dire la personne qui l'a ramené, le rapporteur, il est da'if, et en plus il contredit ceux qui sont yani thiqa, c'est-à-dire ceux qui sont sahih al-hadith. Donc tu poses ta main où tu veux. Inch'Allah, on se quitte sur cela. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Ma'a tahiyyati dammajaffaires.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar.